130 livres, chronique du 29 avril 2022, Luis Rodriguez, délit de sale gueule. Tout fan de boxe obsessionnel qui lit la langue de Mike Tyson est familier de la rubrique Best of Faced sur la version en ligne de Ring Magazine, où d'anciennes gloires du noblard fabriquent le boxeur idéal à partir des attributs de leurs meilleurs adversaires. Ainsi, selon Julio César Chavez, le vis-à-vis le plus redoutable aurait eu les jambes d'Hector Camacho, la défense de Pernell Whitaker et le punch d'Edwin Rosario. Le magazine déroge parfois à ses habitudes en rebaptisant sa rubrique Best I've Trend pour questionner un entraîneur sur ce qu'eût été le boxeur parfait constitué à partir de ses poulains. Entre Muhammad Ali et Ray Leonard, Dieu sait si Angelo Dundee contribua à façonner des combattants formidables à plus d'un égard. Or, dans ses réponses au magazine, un nom revint aussi souvent que les leurs fussent à égalité dans certaines catégories. Celui de Luis Rodriguez, qui combattit de 1956 à 1972 en professionnel. Lui qui se retira sur un palmarès de 107 victoires et 13 défaites est rarement mentionné ailleurs qu'en note de bas de page. On parle pourtant d'un boxeur dont Angelo Dundee plaçait le jab et la défense au niveau de ceux d'Ali et Leonard, jugeait la technique égale à celle de Sugar Ray et considérait les mains comme les plus rapides de toutes. Rien que ça. Sauf à remettre en cause le jugement de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, et probablement mériter une piqûre de sédatif pour commencer, la question qui vient dans l'instant est celle du pourquoi. Comment imaginer en effet que pareil phénomène ait à ce point disparu des radars? La réponse, comme souvent en boxe, est aussi simple à formuler abruptement que longue à dire comme il le faudrait. Commençons par la version courte. On tient là un fameux putain de poissard. Pour le raconter mieux, on prendra son temps. En commençant d'ailleurs par une injustice fondamentale, peut-être la pire de toutes. Les belles gueules du Greatest et de Sugar Ray prenaient mieux la lumière des spotlights d'ABC que le mufle de celui qu'on appelait El Feo. Le laid, le moche, le vilain. Le pif aussi plat et imposant qu'un gros pancake, une ride du lion et des plis du front qu'on eût dit creusés autour de Verdun, plus ou moins la trogne d'un vieux Bill Cosby dès son début de carrière à même pas 19 ans. Voilà qui n'aida pas Luis Rodriguez à atteindre des sommets de popularité malgré un caractère affable et un don certain pour la bringue, caractéristique commune à bien des boxeurs de son île. Car Feo Rodriguez naquit à Camarguey, troisième ville de Cuba située en son centre, et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro 3 ans après ses débuts professionnels le priva de son marché domestique, comme peut-être d'une influence qui viendrait à lui faire défaut. Avant le bannissement de la boxe professionnelle, l'ancien petit cireur de chaussures et vendeur de journaux à la criée eut le temps d'aligner 24 victoires, acquises pour l'essentiel contre des adversaires au bilan positif. Tel Kid Fijike, défait pour le gain du titre de Cuba. Deux autres décisions furent emportées face au futur crack Benny Kid Parrott. Lors de ses débuts aux États-Unis, il avait aussi défait le numéro 2 mondial Virgil Atkins, ancien détenteur d'une version mineure du titre mondial des Welter. Rappelons aux scrogneux que les ceintures de valeur approximative, ici le championnat du monde du Massachusetts, datent d'il y a bien longtemps. Luis Rodriguez, à l'époque, gagnait rarement par KO. D'une taille modeste à 147 livres mais doté d'une allonge appréciable, il boxait ses adversaires à leur en faire tomber les oreilles, comme disent si bien les Américains. Main haute, il les assaisonnait sans relâche d'un jab vif et élégant, souvent suivi de combinaisons très pures au corps et à la face, leur tournait autour avec une souplesse de chat et savait éviter leurs coups d'un mouvement imperceptible de la tête, comme Wilfred Benitez après lui, avant des remises incisives du droit. Beaucoup affirment que Muhammad Ali enrichit sa panoplie de plusieurs des mouvements observés à la salle chez son ami et aîné de 5 ans, tel le risqué Bolo Punch. On s'aperçut plus tard que le garçon pouvait aussi cogner fort, y compris en appui arrière, lorsqu'il était mis en difficulté. C'était plus un boxeur qu'un puncher et il avait du punch, dira de lui Emile Griffith, qui aura côtoyé le spécimen de près. Acteur contrarié, Luis Rodriguez aimait chanter et danser pour les gamins de la Havane qui le reconnaissaient dans la rue. Désormais établi à Miami, l'invaincu et clinique El Feo s'employa à nettoyer méthodiquement la catégorie des welters jusqu'en décembre 1960, où une demi-finale mondiale au Madison Square Garden l'opposa justement au New-Yorkais d'adoption Griffith. Rodriguez s'y présenta en favori, sans doute convaincu de toucher le Graal une fois l'affaire expédiée, puisque le champion du monde qu'il eut alors affronté s'appelait Benny Parrott. Sur le ring, il vécut l'étrange expérience d'être confronté à son double, un boxeur cérébral à la longe conséquente et aux impressionnantes facultés athlétiques, à peine un peu plus costaud et moins technique que lui. Les 10 rounds de ce premier affrontement seraient suivis de 45 autres, soit le début d'une rivalité pugilistique tenant plus de Karpov contre Kasparov que de la folie pandémoniaque des Ali versus Frazier ou Barrera versus Morales. Sur le ring, les débats riches en accrochage furent équilibrés au possible. Tout juste put-on mettre à l'actif de Griffith le coup le plus net du combat, un crochet gauche qui fit vaciller Rodriguez à la 3e reprise. Ce dernier finit le plus fort dans la continuité d'un gros travail au corps. Les journalistes présents en bord de ring optèrent pour le Cubain par la plus infime des marges. Les juges, eux, votèrent Griffith par 2 voix contre 1. J'ai eu de la chance, je l'ai battu. J'avais très peur de Rodriguez, il avait une belle réputation, a vaincu en 35 combats. Il était bon, dit le vainqueur du soir. Nul doute que concéder ainsi une première défaite en carrière ne ravit guère El Feo, dont le manque de bol tenace se confirma le 24 juillet 1961, après 4 nouveaux succès consécutifs. Imaginez plutôt. Le vol pour Dallas qu'il empruntait en vue d'affronter le Texan Curtis Cox fut détourné sur la Havane par des pirates de l'air cubains. On imagine aisément l'angoisse de l'exilé à la perspective d'être identifié par ses aimables compatriotes en treillis, jusqu'à ce que les autorités locales autorisent l'avion à repartir pour le Texas. Mis à terre au 5e round après avoir dominé les 4 premiers, Rodriguez concéda à l'Athletic Cox une 2e défaite par décision partagée. 4 mois plus tard à Miami, il prenait sa revanche à l'unanimité des juges avant de s'employer à retrouver Griffith, battant pour ce faire 3 adversaires classés mondialement. Le 21 mars 1963, au Dodger Stadium de Los Angeles, il défia enfin l'Américain, détenteur du titre mondial unifié à l'issue d'une trilogie dramatique ayant coûté la vie à Benny Parrett. Un sondage réalisé auprès des journalistes présents donna l'avantage à Griffith, d'une très courte tête, à l'issue d'un combat similaire à leur premier affrontement. Mais les 3 juges, cette fois, donnèrent la victoire à Luis Rodriguez. La chance avait-elle enfin choisi El Feo ? Le même soir, le très populaire champion des plumes, Davy Moore, tomba dans le coma après sa défaite contre Sugar Ramos, pour ne jamais s'en réveiller. Inutile de préciser quelle nouvelle fit les gros titres. 3 mois plus tard, la belle eut lieu au Madison Square Garden, dans une ambiance favorable à l'extrême au Challenger. Qui l'emporta selon les journalistes ? Rodriguez, de peu. Qui fut donc désigné vainqueur par les juges ? Ceux qui ont suivi devinent que Griffith récupéra son titre. Teddy Brenner, matchmaker du Garden réputé proche du nouveau champion, fut alors copieusement critiqué par Dundee et son protégé. Depuis sa défaite contre Cox et hors championnat du monde, El Feo n'affrontait plus que des poids moyens. Il en défie 5 de mieux, tous plus lourds que lui, dont le premier champion unifié des super welters Danny Moyer et l'invaincu champion olympique Wilbert McClure, jusqu'à ce qui serait sa dernière confrontation avec un Griffith toujours patron des welters. Sur le ring du Convention Center de Las Vegas, le tenant du titre démarra et finit fort, laissant aux challengers les rounds intermédiaires. Sans dominer outrageusement, Griffith maîtrisa les échanges de près et Rodriguez imposa sa technique à distance. D'une courte majorité, les journalistes désignèrent Griffith comme vainqueur et furent, pour une fois, du même avis que 2 des juges. Concédant une nouvelle décision partagée, Rodriguez se fendit d'un « Je n'essaierai plus de reprendre ce titre parce que Griffith et ses amis organisent trop bien les choses pour ça », d'une sportivité discutable. Reste que face à l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, le Cubain aura perdu 3 fois par 2 juges contre 1. Reprenant sa campagne chez les moyens tout en demeurant classé à 147 livres, Rodriguez battit Robin Hurricane Carter, vainqueur d'Emile Griffith par KO au 1er round, lequel n'eut aucun mal à reconnaître sa large défaite au point. Il a gagné, mais la loi devrait interdire les types avec des bras aussi longs. Frustré au possible, il avait tenté de projeter son tourmenteur par-dessus les cordes. Ce fut le 62e combat d'El Feo chez les professionnels et le premier au cours duquel il visita le tapis. L'œil désormais rivé sur le titre des moyens détenu par Joe Giardello, le quasi-trentenaire Luis Rodriguez choisit de poursuivre sur une cadence infernale, affrontant 15 adversaires dans les 18 mois suivants, pour 14 succès, dont la revanche face à Carter et un KO saignant infligé au brillant défenseur George Benton, contre une surprenante défaite au point concédée à Philadelphie au prospect local Percy Manning. Mais le 6 juillet 1966, lorsque se présenta l'opportunité d'une belle contre Curtis Cox en demi-finale mondiale des welters, cette débauche d'énergie conjuguée à une difficile redescente à 147 livres lui aura porté préjudice. Il s'inclina pour la première fois avant la limite. Angelo Dundee jeta l'éponge au 15e round, non sans accabler un arbitre coupable à ses yeux d'avoir converti un knockdown inscrit à la 6e reprise en pénalité pour Cuba, alors que, je cite, « Cox avait remonté son short jusqu'au menton ». Pour la petite histoire, c'est au Texan qu'un autre Cubain en exil, José Mantequilla Napoles, ravira plus tard le titre unifié des welters. À défaut de vite obtenir la chance mondiale que son talent eût justifiée à 160 livres, Rodriguez continua à courir le cacheton. Il combattit 25 fois entre sa défaite contre Cox et le mois de novembre 1969. Il y aurait de quoi noircir des pages entières sur la période, entre 2 tournées en Argentine où il emboutit le Brésilien Juarez de Lima, futur premier vainqueur de Jean-Claude Boutier, une revanche gagnée en 1 round sur Percy Manning au Venezuela, 2 succès dont un à Philadelphie acquis par décision sur le dur de dur Benny Briscoe, entre lesquels ce dernier arracha un nul contre Carlos Monzon à Buenos Aires, et un échange de victoires à Puerto Rico contre le futur champion du monde des mi-lourds Vicente Rondon. Mais tous ces efforts-là, même les notes de bas de page ne s'y attardent guère. Non, l'épisode qu'on associera à jamais au vilain petit cubain Luis Rodriguez advint juste après, lorsque les dieux de la boxe jugèrent qu'il en avait de nouveau assez fait. Le titre unifié des moyens était alors devenu la propriété d'un beau gosse, un vrai, au point que le bougre s'essaya au cinéma. On se dispensera évidemment de réduire l'italien Nino Benvenuti à son sourire de demi-queue Stenway & Sons. La médaille d'or olympique, le titre mondial en super welter et la trilogie new-yorkaise remportée sur Emil Griffith pour la couronne incontestée des 160 livres font foi. À eux deux, Rodriguez et Benvenuti avaient disputé pas loin de 200 combats lorsqu'ils s'affrontèrent devant 18 000 Romains incandescents. 10 rounds durant, ceux-ci eurent droit à Féo le Magnifique, un challenger au fait de sa maîtrise pugilistique, qui tournait et donnait du jab comme Lucky Luke au tir à la pipe. Benvenuti n'était certes pas aux fraises des bois, il contrait le cubain avec succès, mais enfin l'histoire que racontait sa face ensanglantée depuis la troisième reprise ne lui était guère favorable. La suite, c'est Angelo Dundee qui la raconte le mieux. Parfois cette vitesse lui rendait les choses trop faciles et il se montrait très confiant contre les types plus lourds que lui. Il l'a fait contre Nino Medvenuti. Il a gagné 10 rounds d'affilée juste en frappant et en bougeant, et puis il rentre dans le coin après le 10e round et me dit « Je vais mettre KO ce mec-là ». Je lui dis « Non, joue la plus tranquille, continue à faire ce que tu fais ». Mais il y retourne et prend un crochet gauche parfait qu'il fait tomber comme un sac de briques. L'arbitre se penche sur lui et commence à compter aussi vite qu'il peut. Je lui hurle « Pourquoi se presser? Tu pourrais compter jusqu'à 100 sans que ça change rien. Mon boxeur est KO ». Alors oui, prendre un coup parfait n'est pas qu'à faire de malchance. Pour l'essentiel, le mérite en revient à la main sous le gant qui tue. Mais avec un arbitre et deux juges italiens, guère moins chauvins que leurs homologues texans ou new-yorkais, on peut imaginer que la prise de risque eût semblé l'option la plus sûre, sachant que Rodriguez continuait des années plus tard à affirmer avoir vaincu 4 fois Emil Griffith, à quiconque lui tendait un micro. Quoi qu'il en fût, la dernière chance mondiale d'El Feo s'était ainsi achevée sur un KO de 5 bonnes minutes. « C'était mon destin, commenta-t-il fataliste. C'est comme mon nez, mon destin. Je le tiens de mon grand-père. Je dois le protéger, mais je ne peux rien y changer. » En 1970, il se maintint dans les classements mondiaux avant de se convertir, comme tant d'autres l'ayant précédé, en escabeau de prestige pour des plus jeunes que lui. Rodriguez prit sa retraite 2 ans plus tard, après son 34e anniversaire. Son dernier fait d'armes notable aura été un fulgurant KO au premier round obtenu en Australie contre le prometteur Tony Mundine, perdant Tony, qu'on verrait plus tard boxer en France et se battre pour un titre en lourd léger. El Feo devint ensuite un entraîneur de boxeurs amateurs réputé, ainsi que le propriétaire d'un débit de boisson dont il devint hélas un trop bon client lui-même. Après 2 ans d'insuffisance rénale et une opération du cœur, il mourut en 1996, soit juste avant son intronisation au Hall of Fame, qu'intégrèrent aussi ses camarades d'exil José Napoles et Sugar Ramos. Poissard jusqu'au bout. Installés au Mexique, Ramos et Napoles avaient joui d'une indéniable popularité dans leur pays d'adoption. Rodriguez, lui, était resté toute sa vie un immigré de Miami. Sa boxe scientifique, bien qu'elle fît tourner en bourrique des dizaines d'adversaires talentueux, l'avait privé de l'amour viscéral que les foules réservent aux grands bagarreurs. Reste que The Ring l'a désigné en 2009 troisième plus grand boxeur cubain de tous les temps, derrière Kid Gavilan et Kid Chocolaté, et qu'un panel de choix affirma en 1995 qu'il aurait dominé le grand Napoles. Emil Griffith, qui affronta les deux, Angelo Dundee et l'historien Hank Kaplan. Peu importait à leurs yeux que Mantequilla eût été champion du monde unifié plus de 5 ans et El Feo moins de 90 jours. Nombreux furent d'ailleurs les spécialistes affirmant que Rodriguez méritait mieux qu'un unique succès sur Griffith. À défaut d'un règne long, El Feo adopta jusqu'au bout l'attitude d'un pur champion combattant tout le monde et partout, souvent plus lourd que lui et sans garde de préparation, jusqu'au Fifth Street Gym des frères Dundee, où affronter des colosses à l'entraînement ne lui faisait pas peur. Et puis le tombereau d'éloge d'Angelo, on y revient, n'a-t-il pas à lui seul valeur de place au Panthéon ? Luis Rodriguez fut un prototype de cador à l'ancienne, mais dont la variété des atouts physiques et techniques aurait fait de nos jours un prétendant dangereux à la couronne des welters. Avec un peu de chance, peut-être.